George Russell, vainqueur à Singapour, Ferminal de guerre, vainqueur lui en Indonésie, et tout ce qui s'est passé ce week-end, c'est maintenant dans la quatrième de l'émission Auto Hebdo. Salut à tous et bienvenue sur Auto Hebdo, c'est la quatrième donc de l'émission et vous le voyez, je ne suis pas Michael Duforest, aujourd'hui Michael n'est pas là, il est en Corse, on ira le voir dans quelques instants, il nous fera un petit coucou depuis la Corse où il assiste au Tour de Corse historique et puis où il assiste également au premier roulage de la Turbo 3E. Mais d'abord, avant de parler des absents, parlons des présents. Bonjour messieurs, salut Mathieu et salut Lucas, comment salut, ça va Cyprien. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien aussi, je suis content, j'étais sur le banc de touche et l'absence de Michael permet de me titulariser. Oui, alors quand même, t'enflamme pas trop, ça pourrait ne pas durer. Michael va revenir, alors il sera pas là la semaine prochaine non plus, il faut le noter, cette fois il sera au Maroc. Vous l'avez compris, Michael préfère voyager que travailler, donc bon, ça de façon, ça nous étonne pas. Le Globetrotter, on va l'appeler maintenant. Voilà. Le Globetrotter, ça lui va bien. Ça lui va bien comme nom. Bon, messieurs, un petit mot rapide, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end? C'était chargé, c'était intéressant, et vu ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que ça va donner lieu à des débats, à mon avis, aussi intéressants. J'ai envie de dire que c'est pas forcément les compétitions auxquelles on s'attendait qui ont été très intéressantes, et plutôt celles de quelles on attendait quelque chose qui l'ont été un peu moins, donc ça va être très intéressant. Et sur cette belle phrase de philosophe, c'est l'heure du sommaire de cette émission. Alors on va évidemment commencer par débriefer le Grand Prix de Singapour de Formule 1, la victoire de George Russell devant Max Verstappen et Lando Norris. On reviendra aussi sur le petit accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri au départ. Puis on parlera bien sûr de MotoGP, c'était ce week-end le Grand Prix d'Indonésie, un Grand Prix complètement dingue, hein, on peut se le dire, je pense, messieurs, un Grand Prix qui a été remporté par Ferminal de guerre, première victoire en MotoGP, et puis c'était également du côté du Mans ce week-end, le GP Explorer The Last Race, cette course organisée par Squeezie entre influenceurs, les 24 créateurs de contenu, qui ont fait la course et puis qui ont fait le show aussi dans la Sarthe ce week-end. Ce sera le sujet de notre question hebdo de la semaine. Et puis évidemment, comment ne pas faire un point sur les résultats du week-end dans les autres catégories? On avait de la Freca, du FFSAGT, bien sûr le DTM, quelle finale en DTM avec 9 pilotes qui jouaient le titre. Également de la PCCF, de l'ERC, du NASCAR, enfin plein de choses. Voilà, donc c'est tout de suite dans l'émission Auto Hebdo. Et juste avant de parler Formule 1, on va tout de même retrouver Michael Duforest qui avait un petit message à vous laisser depuis la Corse. Ah bah salut Cyprien, salut à tous. Regardez, on est en Corse avec la Renault R5 Turbo 3E. Je vous la montre un tout petit peu. Vous pourrez la retrouver beaucoup plus en détail évidemment dans l'émission de la semaine prochaine. Mais voilà, on a assisté au premier tour de route sur les spéciales Corse. Merci beaucoup Michael et on a hâte de voir tout ça à ton retour. Et en attendant, c'est parti pour la Formule 1. Et sous la nuit de Marina Bay, c'est George Russell qui est sorti vainqueur du Grand Prix de Singapour. Première victoire pour le Britannique dans les rues de la cité-état, après aussi sa première pole position à Singapour. Un week-end dominé par Mercedes, assez surprenant d'ailleurs de voir Mercedes dominer, n'est-ce pas Mathieu? On ne s'attendait pas franchement à voir une telle domination et eux-mêmes étaient surpris d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, on ne s'y attendait pas mais eux non plus, et c'est un petit peu le dénominateur commun des victoires de Mercedes récentes, c'est qu'ils ne comprennent pas dans cette génération à effet de sol pourquoi est-ce qu'ils performent. Et c'est assez intéressant de le noter parce que là en l'occurrence Russell il a fait une course et un week-end d'ailleurs assez dominateur, on ne s'y attendait pas avant mais on ne s'y attendait pas non plus après les essais libres. Pour autant il a été très performant, que ce soit en qualification, en course il a réussi son pari alors même que Max Verstappen partait en pneus soft. Donc il n'y a pas grand chose à en dire de cette victoire à part bravo. La course en elle-même était moins intéressante mais Mercedes a dominé et maintenant je ne pense pas qu'on puisse attendre vraiment de suite ou de vraiment regain de confiance majeur de leur part parce qu'ils ne savent pas pourquoi. En revanche on peut quand même noter que ce soit à Bakou ou ici, eh bien Mercedes est vraiment de retour aux affaires et est redevenu à mon sens une top team. Oui, c'est sûrement la deuxième formation du plateau. Puis George Russell, tu l'as dit, les essais libres ont été un peu compliqués. Il y a eu ce crash notamment. Oui. C'est assez rare de voir George Russell faire des erreurs. Il fait partie des pilotes les plus propres. Il en avait fait une sur ce même circuit il y a 2 ans en course. Oui. On se rappelle, c'est pas un circuit qui lui réussit récemment non plus à Russell. Mais là, pour le coup, il a été très bon. Il a été surtout métronomique, je trouve. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les autres pilotes derrière lui ont eu l'opportunité de croire qu'il pouvait revenir. Et ça, je trouve que c'est fort. C'est la marque des grands pilotes de savoir maîtriser une course de la sorte. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire de Russell? Une super victoire de George Russell. Moi, j'ai envie de souligner un peu sa réaction à l'arrivée, parce que pour appuyer du coup ce que tu disais, Mathieu, directement. Il dit je ne sais pas d'où vient la performance. C'est ça. Donc voilà, c'est il a été le premier surpris chez Mercedes. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'il a dit par rapport à Verstappen, quand il a dit j'ai eu peur de voir Verstappen partir en pneu tendre. On sait que ça n'a pas toujours été simple entre les deux. Et donc voilà, finalement tout s'est bien déroulé pour George Russell qui au championnat évolue maintenant tout seul en quatrième place et qui prend de gros points pour Mercedes qui s'éloigne encore un peu de Ferrari. Oui, parce que ça c'est le vrai duel de cette fin de saison. McLaren a été titré champion du monde des constructeurs, on y reviendra juste après, mais il y a une vraie lutte entre Mercedes, Ferrari et Red Bull maintenant pour la deuxième place. On sait que c'est beaucoup d'argent à la clé. Pour les perdants, il y aura une petite compensation puisque c'est plus de temps de soufflerie pour développer la voiture de 2026 et surtout pour l'année prochaine, donc pour celle de 2027. Mais pour en revenir à ce week-end de Mercedes, je voudrais insister sur un point que Mathieu a soulevé, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils performent. Non. Et c'est quelque chose qu'on avait vu notamment à Las Vegas l'an dernier, où ils avaient réalisé un doublé avec Russell déjà devant Hamilton. On pensait que cette Mercedes fonctionnait mieux dans des conditions fraîches. C'est aussi ce qu'avait dit tout le clan Ferrari, par exemple, avant le week-end. Charles Leclerc disait qu'il s'attendait à ce que Ferrari et McLaren soient plutôt devant Mercedes et Red Bull parce qu'il ferait plus chaud. Au final, on a eu une Mercedes devant une Red Bull. C'est quand même à plus rien y comprendre. Cette et alors, Charles Leclerc aussi, pour apporter un petit peu plus d'éléments, Charles Leclerc a été dans la compréhension, il était dans la frustration, surtout après la course. Il ne comprenait pas cette contre-performance, si je puis dire, de Ferrari, là où il s'attendait à performer davantage. Et surtout, il a fait un constat qui était fataliste, mais qui était réel, il faut bien le dire, par rapport à la situation actuelle, c'est que Ferrari aujourd'hui est clairement derrière ce qu'il a appelé comme étant les trois top teams, à savoir Red Bull, Mercedes et McLaren. On sent vraiment que Ferrari n'avance pas, ne comprend pas pourquoi il n'avance pas, alors que les autres écuries, même si Mercedes tâtonne encore un petit peu, il faut dire qu'il y a vraiment un step qui a été fait depuis Bakou au moins. Oui, puis même ces dernières semaines, globalement, on sent que Ferrari, en effet, a un peu plus de difficultés. En tout cas, à la régulière, la Ferrari, c'est vraiment la quatrième voiture du plateau. On peut dire peut-être un petit mot sur le week-end de Ferrari, Lucas, même si je pense que tu voudras reparler de Lewis Hamilton un peu plus tard dans l'émission. C'est ça, Hamilton, qui, je trouve, a fait un super week-end. C'est vraiment dommage pour sa fin de course. Mais je pense que Ferrari, dans la globalité, les deux pilotes ont maximisé le potentiel de la voiture. Et il n'y avait tout simplement pas plus à aller chercher. McLaren, Red Bull et Mercedes étaient largement devant. Et donc, ils ont maximisé le résultat qui était possible ici à Singapour. Oui, et puis dans ceux qui étaient devant, il y avait McLaren notamment. Alors McLaren, ce qu'on retiendra du week-end, c'est d'un côté ce titre constructeur qui, de toute façon, était acquis globalement depuis plusieurs mois. On n'avait pas trop de doutes, je pense, sur l'identité du champion depuis le début de la saison. Maintenant, il restait encore à le valider. Ça a été fait. Dixième couronne, ils sont seuls deuxième au palmarès de la Formule 1. Mais on ne peut pas dire que ce titre ait été acquis de la manière la plus smooth possible, on va dire. La fête a été un petit peu gâchée. Ouais, On va me dire que je tape peut-être un peu sur McLaren, parce que ça fait un moment que je dis qu'ils n'ont pas l'étoffe justement d'une équipe qui gère un championnat, mais on l'a vu, même ne serait-ce que quand ils gagnent, ça y est, ils ont gagné, on a quand même des choses à redire. Et je trouve ça dur quand même, parce que, pour rappeler quand même un petit peu les éléments, le leader du championnat du monde, c'est Piastri. Il n'est pas monté sur le podium parce qu'il n'était pas présent sur le podium. Il n'a pas été invité à y monter lorsque McLaren a célébré justement ce titre constructeur. Oui, il était en train de parler aux télés pendant ce temps. C'était une image assez marquante quand même. Piastri quand devant même les télés et les autres en train de faire la fête. Quoi. Dans la mesure où c'est lui qui rapporte factuellement la majorité des points cette année, c'est quand même un petit peu dur. Et puis deuxième chose, c'est que quand on voit le contexte de la course, où Norris justement touche un petit peu Piastri au départ, Piastri il est frustré, il demande à McLaren qu'est-ce qu'on fait. Pas vraiment de réponse, pas vraiment de décision prise par rapport à ça. Alors on rentrera dans le débat de ce qu'aurait dû faire McLaren. Néanmoins, forcément la frustration de Piastri liée à la course, plus ça, je peux comprendre que ça fasse beaucoup pour Oscar. On disait, juste je rebondis rapidement dessus, mais après Bakou, on attendait sa réaction. Il n'y en a pas vraiment eu, mais il faut dire aussi qu'il n'a pas été aidé non plus. Quoi. Lucas C'est Oscar Piastri, on a toujours souligné son caractère très calme. Là, on sent que McLaren a de plus en plus de mal à gérer le caractère de ses deux pilotes, et je pense que ça n'a pas été le cas ce week-end, mais ça ne va pas tarder à exploser. Et puis ça y est, ils ont gagné. Donc, comme on disait, maintenant qu'ils ont le titre constructeur, il y a de plus en plus de chances. Pour rappeler évidemment l'incident qui s'est produit au départ, c'est Norris qui prend l'avantage sur Piastri qui avait débuté 3e, et puis les deux McLaren qui partent au contact. Piastri qui se sent lésé, Norris on voit sur les ralentis qu'il a subi une petite glissade, mais ça a donné suite à des échanges très tendus à la radio, et donc c'est ça qui a mené du coup à gâcher un petit peu la fête en fin de course. Ouais, c'est assez étonnant de la part d'Oscar Piastri de le voir comme ça. Oscar Piastri, on l'a toujours connu très calme, très posé, assez finalement impassible finalement, même quand les choses se passent mal. Mais après Bakou par exemple, Moi, je l'ai vu arriver dans le carré des interviews. Bon, bah, la mine apaisée. On n'avait pas l'impression d'avoir devant nous un pilote qui s'était mis dans le mur. Et là, à l'inverse, j'ai trouvé un Oscar Piastri très nerveux. Après ce contact avec Norris, tout de suite à la radio, il était là, c'est injuste. C'est machin. Il a fait un travail de merde en voulant m'éviter. Enfin, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Hein. Je trouve que la carapace autour d'Oscar Piastri commence un peu à se fissurer. Je pense que c'est quand même lié, quoi qu'il en dise, et quoi que Zach Brown et Andrea Stella veuillent bien dire, au fait qu'il commence à avoir du mal à gérer la pression. Mmh. On sait qu'il arrive quand même, là, dans le money time, il reste... C'est un jeune pilote, hein. C'est ça, il reste 6 week-ends pour remporter son premier titre, c'est un très jeune pilote, il a 24 ans, il a 64 départs en Formule 1, il a quand même moitié moins de départs que Lando Norris, qui a commencé sa carrière en 2019. Je pense que là, il commence à sentir aussi que c'est peut-être l'opportunité d'une vie. Et il faut aussi rappeler que sur les 3 derniers week-ends, il concède des points à Norris. C'est-à-dire qu'à Monza, il perd 3 points, à Bakou, il en perd 6, et là, il en repère 3. Norris reste à 22 points, mais est-ce que pour vous, la dynamique, elle est plutôt du côté du Britannique maintenant ? Je ne sais pas si la dynamique est du côté du Britannique, parce qu'il y a un troisième lion dont on va parler après qui pourrait se joindre à la fête. Moi, je disais non, il y a encore quelques jours. Il est hors catégorie, celui-là. Voilà. On n'en parle même pas. non, dans la... en fait, j'ai du mal à analyser McLaren, parce que pour moi, à ne vouloir favoriser personne, effectivement, ils se mettent à dos les deux. Et ça, malheureusement, j'ai alerté depuis quelques semaines, quelques mois déjà à dire, mais ils prennent pas de décision, pas tant pilote numéro 1, pilote numéro 2, parce que ça, c'est pas grave. Mais c'est plus la question de dire, on prend pas de décision parce que de toute façon, on a une avance formidable. D'accord, mais si jamais vous avez vraiment plus cette avance formidable, justement liée à ce troisième lion qui est Max Verstappen, on va pas faire de fausses surprises, mais peut-être qu'ils peuvent se faire surprendre et justement créer de la frustration. Tu croyais parler. Ouais. Mince alors. Non, c'est bien Max. Et en l'occurrence, Oscar, bon, on verra ce qu'il donne. Mais c'est vrai que Piastri qui, comme tu dis, fait un peu la carapace, est-ce que c'est pas vraiment lui depuis le départ? Est-ce que justement, c'est pas un petit peu l'aura du champion qui se révèle aussi? Parce que bah, je pense pas qu'on puisse rester calme comme ça dans une course au titre qui va s'intensifier. Donc, très hâte de voir la suite. Oui, je pense que McLaren doit faire très attention, comme tu le dis. Et d'autant plus, McLaren doit être irréprochable, et c'est pas le cas en ce moment. On l'a encore vu ce week-end avec un nouvel arrêt au stand à rallonge. Ils peuvent plus se permettre, quand ils ont deux pilotes qui se battent pour le titre, ils peuvent plus se permettre de faire ce genre d'erreur. Ça va leur coûter un moment quelque chose au niveau du management de leurs pilotes, et ça peut du coup accélérer la fracture qui, je pense, est programmée entre Norris et Piastri. Et donc, c'est aussi quelque chose sur lequel McLaren doit faire attention. Ouais, bah tu me tends une perche, en effet. C'est ce dont je voulais vous parler. Le fait qu'entre les deux pilotes, à un moment, ça va forcément péter pour moi. On a, vous me dites si je me trompe, mais dans l'histoire de la Formule 1, en tout cas, j'ai pas souvenir d'une saison où deux coéquipiers jouent le titre. Mais en restant bons copains jusqu'au bout, non, fair play, c'est... voilà. C'est et c'est peut-être là aussi où Piastri commence à s'énerver. C'est que Piastri, il commence à sentir, à mon avis, qu'il faut montrer les muscles. Bien sûr. Parce que Norris l'a fait. Norris, on lui reprochait souvent de pas le faire. Là, il a pris quand même un départ super. Norris, alors oui, il y a cette touchette, il touche le diffuseur de Verstappen devant, il casse un peu son aileron, mais à la fin, c'est lui qui est devant, c'est lui qui reprend des points, et il les aurait pas reprises sans ce départ, parce qu'on a vu que c'était impossible de doubler à Singapour, donc bravo Norris, et puis Piastri, il sent peut-être qu'il va falloir muscler un peu son jeu. Muscle ton jeu, Robert. Et clairement, Robert, en l'occurrence, on aimerait qu'il le muscle son jeu, parce que c'est ce qui manque pour l'instant, cette dynamique, cette dimension, même si je puis dire qu'il manque un peu à Oscar Piastri. On sait que c'est un très bon pilote, on l'a vu notamment à Miami, qu'il a une intelligence de course qui peut être même supérieure à celle de Norris. Mais voilà, ça y est, maintenant on veut voir la bataille entre les deux. J'ai vu passer aussi des déclarations de son manager, Mark Webber, qui disait... il est resté calme depuis le début de sa carrière. Maintenant, voilà, on sait comment ça s'est passé entre Mark Webber et Sébastien Vettel au moment où Red Bull était la force dominante du plateau. Et donc, ce qu'il disait, c'était que il s'était dit avec Oscar Piastri que ça allait péter un moment dans le chef de l'Australien. Donc, oui, bien sûr. Bon, et puis évidemment, on a commencé à en parler. Le dernier sujet de ce week-end, c'est toujours le même, Max Verstappen. Bon, on va quand même mettre un petit bémol au week-end de Max Verstappen. On vous avait dit le week-end dernier qu'il enchaînait les victoires, que ce soit en F1, en GT, etc. Peut-être même en sim racing, je sais pas, au jeu de loi, avec sa compagne qui est au Scrabble, voilà, je sais pas. Il gagne tout ce qu'il fait, de toute façon. Mais là, il n'a pas gagné, Max Verstappen, deuxième. Non. Mais il termine encore devant les McLaren. Bon, battu par un George Russell dont on a parlé, qui était absolument intouchable ce week-end. Tout de même, il reprend des points. C'est un peu la même chose qu'avec Lando Norris, ce que je disais sur Lando Norris par rapport à Oscar Piastri, c'est-à-dire qu'il grappille petit à petit, il reprend des points. Et puis quand même, il faut le dire, Max Verstappen, le Max Verstappen Racing, donc Red Bull, est revenu à 8 points de Ferrari pour la 3e place et à 35 points de Mercedes. c'est quand même complètement dingue, alors qu'on les avait exclus de cette lutte il y a quelques semaines encore. Ouais. S'ils arrivent à finir deuxième, chapeau l'artiste. Oui, je pense que la place de deuxième, à mon sens, aujourd'hui, en tout cas dans la dynamique, pardon, est réservée à Mercedes ou à Ferrari si vraiment ils arrivent à revenir, mais c'est à voir. Mais c'est vrai que voilà, Red Bull impressionnant, Max Verstappen impressionnant, bien sûr. Encore une fois, tu parlais de Ferrari qui maximise, sans mauvais jeu de mots, Verstappen, encore une fois, il a maximisé ce week-end. Je ne pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux. George était plus rapide. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Deuxième sur un circuit sur lequel, qui plus est, il a jamais gagné. Bon, j'allais dire, week-end presque parfait pour lui. Tu l'as dit, il revient devant... Enfin, il marque à nouveau devant les McLaren. C'est une vraie menace, et je pense qu'il peut aussi commencer à rentrer dans la tête un petit peu de Piastri et Norris, d'où l'agacement. Ouais, c'est ça, et puis on sait aussi que Red Bull a été un peu piqué dans son ego l'an dernier en terminant 3e du championnat constructeur, alors qu'elles avaient empoché le titre pilote ouais. avec aisance. Donc rattraper Ferrari et Mercedes en fin de course, ce serait aussi une belle fin de saison pour Red Bull. Et je pense que Max Verstappen, tant que c'est mathématiquement possible, il fera tout pour rester dans la tête de Piastri et Norris et tenter d'aller chercher quelque chose. Et... même s'il arrive à rattraper qu'un des deux, ce sera déjà une satisfaction personnelle. Ah, franchement, s'il arrive à s'intercaler entre les McLaren, on pensera à ce début de saison. Parce que là, ces dernières semaines, on sent que McLaren est moins dominante, etc. C'est des circuits avec des caractéristiques un peu différentes, etc. Mais en début de saison, on avait une McLaren ultra dominante, ultra forte. Ils enchaînaient les doublés week-end après week-end. On n'aurait quand même pas pu penser à l'époque qu'ils pourraient faire un autre résultat que premier et deuxième au championnat. Comme quoi, la Formule 1, quand ouais, même. Et puis surtout que Singapour était censé être un tracé sur lequel ils étaient meilleurs. On les voyait vainqueurs. En tout cas, moi, après Bakou, si on reprend ce qu'on disait dans cette émission même, je disais, bah, ça y est, ils vont à nouveau gagner. Il y a moins de lignes droites. Il y a plus de virages un petit peu plus difficiles à négocier. La chaleur qui les favorise. Exactement. Le fait que Norris avait gagné l'an dernier avec 24 secondes d'avance. Là, on s'attendait à un scénario similaire. Quoi. Les deux sur une autre planète et les autres ensuite. C'est pas ce qu'on a eu. Et ça montre bien que Mercedes qui comprend pas trop. Ferrari qui était censé performer, qui performe pas. McLaren qui était attendu très haut, qui finalement n'est pas si haut que ça. En fait, il n'y a plus vraiment de logique. Et donc, les logiques liées aux configurations, liées à la chaleur, en fait, on ne peut plus trop s'y fier. Donc, allons-y, battons-nous. Mais néanmoins, Max, qui commence à... mentalement, à mon avis, est dans la meilleure des situations. Je ne pense toujours pas qu'il va gagner parce que l'avance de McLaren est trop importante. Mais en termes de dynamique mentale, en tout cas, il n'y a pas photo. Merci, messieurs. Donc, en effet, victoire de George Russell devant Max Verstappen, Lando Norris. Un petit mot également pour Fernando Alonso. Très beau septième sur la ligne au finish devant Lewis Hamilton qui a subi des problèmes de frein. Pas de points pour les Français, ils accadent déjà 11e, privé de la 10e place dans les derniers tours par Carlos Sainz. Et puis Esteban Ocon et Pierre Gasly, c'était très très compliqué ce week-end, ils sont en fond de grille. Mais bon, on va parler de Français qui ont marqué des points maintenant et place au MotoGP, messieurs. On s'était quitté à Motegi la semaine dernière sur le titre de Marc Marquez et la démonstration de Francesco Bagnaia. Ce week-end à Mandalika, c'était complètement l'inverse. Week-end catastrophique pour Ducati et week-end favorable pour les outsiders. Première victoire de Fermín Aldeguer en MotoGP. À 20 ans, le pilote Gresini bat quasiment les records de précocité de son idole Marc Marquez. Messieurs, on a passé un très bon week-end d'abord avec un ordre établi complètement chamboulé par rapport à ce dont on a l'habitude et une belle victoire pour Fermín Aldeguer, Lucas. Mais je pense que celui qui s'est réveillé dimanche matin et qui s'est branché sur le MotoGP qui n'avait pas regardé le MotoGP depuis 2 ans, il a dû se demander où est-ce qu'il avait mis les pieds. Mais qu'est-ce que fout Raúl Fernández? Voilà, qu'est-ce que fout Raúl Fernández? Pourquoi Alex Rins est devant? Mais déjà, qui est cette personne? Mais non, Fermín Aldeguer a été irréprochable. Seul Ducati dans le top 5 lors des essais, il confirme en qualification. Seul Ducati sur la première ligne, Marc Marquez n'est que 7ème, Alex 9, et puis il sauve véritablement le week-end de la marque avec cette 2ème place en sprint. Un petit peu dommage parce qu'il se fait prendre la victoire au virage 10 dans le dernier tour, et puis en course il n'y a plus d'adversaire, il devait quand même confirmer, et il confirme, et je pense que son week-end il doit mettre un petit peu Ducati dans l'embarras parce que moi, je pense que Fermín Aldeguer, il mérite aussi une GP26. Ah, c'est ta hot take du jour. C'est Mathieu, moi, alors déjà, avant de parler, t'es d'accord? Je suis d'accord avec quelqu'un. Ah bon, voilà, t'anticipe. Donc, il mérite une GP26. Ouais, je pense. Bah, en fait, à partir du moment où il est déjà performant, pour moi, c'est la performance, c'est pas le contexte de il est jeune, il vient de commencer. Il performe tout de suite, on voit qu'il a du potentiel, on voit qu'il est régulier, même si parfois, effectivement, il a eu quelques week-ends sur lesquels il a été un petit peu plus en dedans. C'était beaucoup plus marqué que les autres, certes. Mais je pense que si tu lui donnes effectivement une GP26, bah, il aura toute la capacité, en tout cas, de se battre à armes égales et de montrer si étant donné que tu dis il flirte avec des records de Marquez, bah, d'être capable d'aller chercher ou en tout cas d'aller se battre avec les meilleurs. Aujourd'hui, quand on voit, et on va en parler forcément, mais les performances de Bagnaia qui sont en chute libre, je vois pas pourquoi on ne comparerait pas les deux sur machine égale. Ouais, moi je mets un petit bémol quand même à ce que vous dites, c'est que... Ah, je vois la tête de Lucas là qui m'a lancé un regard plein de reproches. Écoute, pour sortir deux chiffres, premier rookie qui gagne en MotoGP depuis Rory Martin en 2021, on a vu ce qu'il est devenu, il gagne à 20 ans et 183 jours, c'est le deuxième plus jeune vainqueur en MotoGP depuis Marc Marquez, on voit ce que Marquez est devenu. Quand même pas dû au hasard, je pense. J'ai hâte d'écouter le bémol. Oui, donc je me tais, quoi, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que quand on est assis à cette place, on n'écoute pas. Il y a Michael qui nous parle, de la fois on l'avait coupé sur Briator, ça fait un mois qu'il nous en parle, là. Écoute, c'est pareil. J'écoute le bémol avec plaisir. Non, je t'écoute avec plaisir. Mon petit bémol, c'est que je trouve qu'il ne faut pas non plus céder tout de suite à l'emballement sur Terminal de Guerre, parce qu'il a vécu une première année très bonne par moment, non, ça, je suis d'accord, moins positive par d'autres, ça dépend des circuits. Sa trajectoire me rappelle quand même beaucoup celle de Pedro Acosta, qui a fait des super performances l'an dernier, qui est passé pas loin de la victoire à plusieurs reprises, qui est monté sur des podiums, etc., en sprint et en Grand Prix. Mais Pedro Acosta, lui, bon, il court toujours après sa première victoire. Il a aussi eu des périodes de creux, il a stagné un peu. Cette année, ça n'a pas été évident en début d'année quand même. Il n'a pas fait un bon début de saison. Là, c'est beaucoup mieux ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que je mets ce petit bémol sur Terminal de Guerre. C'est non pas l'emballement, il a certainement beaucoup de potentiel, mais il faut pas non plus tout de suite, je pense, s'attendre à ce qu'il enchaîne tous les week-ends, qu'il se mette à jouer des victoires. Voilà, on sait que le MotoGP, c'est très fluctuant quand même, l'ordre établi. On l'a quand même vu ce week-end, quand on voit Alex Rins qui met pas un pied devant l'autre, Fernandez, etc. Fermin, là où je le trouve plus impressionnant que la moyenne à ce niveau-là, c'est le rythme qu'il est capable d'imprimer, notamment sa gestion des pneus en fin de course, parce qu'à chaque fois, il y a quand même un dénominateur commun aussi par rapport à ses victoires, ou en tout cas sa victoire et ses bonnes performances. Je pense notamment à l'Autriche, dans laquelle il avait fait une belle remontée aussi. C'est qu'en début de course, il n'est pas forcément impressionnant, et il va réussir à manager ses pneus d'une manière de sorte à ce qu'à la fin, il imprime un rythme que plus personne n'a, et il remonte, c'est même fulgurant, quoi. À l'image d'un Enea Bastianini. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je trouve ça presque plus impressionnant, et ça démontre aussi une intelligence de course, une manière d'aborder la course qui n'est pas seulement du rythme pur, mais qui est aussi une approche, une certaine idée de la course. Et ça, pour moi, il est en avance. Ouais, et puis bon, il a fait un très bon week-end, Terminal de Guerre, on l'a dit, dans un ordre complètement chamboulé. Il est passé pas loin de la victoire en sprint, tu l'as dit aussi, Lucas, doublé par Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, un petit mot aussi sur lui, auteur de la pole position, on s'attendait à ce qu'il gagne les deux courses. Il gagne le sprint avec une très belle remontée quand même. Il gagne le sprint avec une très belle remontée, mais je pense que globalement son week-end est très décevant, parce que Marco Bezzecchi, c'est peut-être sa seule opportunité de l'année de gagner à la régulière face à Ducati. Il a bien évidemment gagné à Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne, mais c'était aussi dû au mauvais... Non, c'est Fabio Quartararo qui a gagné. je n'ai toujours pas digéré la panne moteur de Quartararo, qui était largement en tête, hein, pour rappel, et qui malheureusement a dû abandonner. Bon, Johann Zarco avait sauvé quand même l'honneur côté français avec la deuxième place. Mais... Voilà, et puis il y avait eu un mauvais choix de pneus du côté de Ducati, oui. Sur une piste très froide. Donc là, il avait une belle opportunité, il a saisi en sprint, même s'il loupe complètement son envol et qu'il doit remonter dans le peloton par la suite. Très belle remontée d'ailleurs. Mais il aurait pu se faciliter la victoire en prenant un bien meilleur départ. Et puis en course principale, sa course s'est arrêtée au bout de 6 virages, tout simplement. Une grosse erreur qui va probablement coûter cher à Marc Marquez. Et c'est dommage parce qu'il il avait quelque chose de gros à jouer, la Bezzecchi. Bah, Lucas, je pense que je vais te laisser ma place parce que là, tu m'as fait une transition. Je t'envoie parfaite. À chaque fois les perches pour les transitions. Exactement, mais, oui. Mais en fait, c'est toi qui aurais dû animer cette émission. En effet, le prochain sujet, c'est évidemment Marc Marquez et globalement le week-end de Ducati. Ouais. Comme je l'ai dit en introduction de cette séquence MotoGP, on s'était quitté à Motegi avec la joie de Marc Marquez, champion du monde pour la 9e fois, 7e en MotoGP. Et puis la joie de Pecco Bagnaia, vainqueur et poleman, puis vainqueur des deux courses. C'était quand même un week-end parfait pour l'équipe officielle. Là, ça a quand même viré au drame pour les deux pilotes Ducati, Mathieu. Bah, oui, malheureusement, je vais faire rapide, mais Marc Marquez, il l'a dit dès le début du week-end, on en parlait entre nous, à dire que bon, fallait rien en attendre. Ouais, après, il dit ça tous les week-ends. Hein. Ah, je sais pas. Ouais, des fois, il dit on joue le podium, puis il gagne avec 10 secondes d'avance. Donc, bon. Bon, en tout cas, il l'avait prévenu. Voilà. Oui, c'est vrai. Même s'il prévient à chaque fois, il l'avait prévenu. Mais non, c'est vrai qu'il avait dit tout de suite qu'il sentait que c'était pas la course qui irait pour lui, pour justement célébrer comme il se doit son titre. Moi, malheureusement, celui qui m'a fait de la peine, parce qu'on en est là, c'est Pecco Bagnaia. Il chute alors qu'il est dernier. il imprime un rythme vraiment catastrophique. Après 10 secondes de Somme 4 Chantra. C'est ça, c'est qu'il est vraiment loin, il est tout seul. Avec tout le respect qu'on a pour Somme 4 Chantra. Hein. Oui, tout le respect. Hein. 14e de moto de l'an dernier, mais tout le respect. Non, mais c'est quand même un indicateur. Un double champion du monde qui a 10 secondes du 14e sortant de Moto 2, non, mais tout est normal en MotoGP, vraiment. Mais suivez cette discipline, elle est absolument folle. Hein. Vous voyez, on ne comprend pas. Bagnaia qui nous sort un week-end de fois à Motegi, puis qui est le week-end d'après absolument nulle part. Non, mais c'est absolument génial à suivre pour le coup. Bah, lui-même demandait des explications, justement. Ouais. Je me permets de rebondir, ouais. Mais c'est vrai qu'il disait je comprends pas, techniquement, je comprends pas ce qui s'est passé. Il était franchement agacé. Il a déjà eu ce discours dans la saison, mais là, ça semblait être la goutte de trop pour lui. C'est ça. Bon, Marc Marquez, Mandalika, ça a jamais été son circuit. Il y a une statistique, il n'a jamais terminé à Mandalika, il n'a jamais terminé un Grand Prix d'Indonésie. Ah oui. Il a été introduit au calendrier en 2022 et depuis, il n'a jamais terminé une course, Marc Marquez. Donc, c'est une statistique assez intéressante, hein, lui qui a gagné absolument partout. Oui. Et puis, Pecco Bagnaia, ce n'est pas spécialement son circuit non plus, mais on ne l'attendait pas non plus. On ne s'attendait pas non plus à le retrouver aussi loin. Après, le week-end, où il signe pole position, victoire en sprint, victoire en course principale. C'était pas un très grand week-end de la part des Ducati officiels, non? Ouais, et puis toutes les Ducati globalement, à part Ferminal de Guerre encore une fois, et Alex Marquez qui est bien remonté en fin de course aussi grâce à beaucoup de chutes devant lui, mais les pilotes de la VR46 terminent loin. Enfin, ça n'a pas du tout été un bon week-end. Ça n'a pas non plus été un bon week-end pour Honda très rapidement, pour LCR Honda plutôt, puisque chez Honda, Luca Marini a fait plutôt une belle course. Bon, Johan Zarco termine assez loin. Quartararo, chez l'autre constructeur japonais Yamaha, lui termine 7e, mais il était assez positif quand même, il avait pris du plaisir. Donc, pas le meilleur week-end pour nos Français, mais un très très bon week-end de MotoGP quand même, messieurs, en un mot. Ah oui, bah c'était à mon avis le week-end à voir si tu voulais avoir du spectacle et des rebondissements. Moi j'ai apprécié voir Luca Marini et Alex Rins se battre devant, Raoul Fernandez aussi. On avait les 5 marques qui était capable de se battre pour le podium à au moins un moment c'est de la course. C'est rare. Hein. Et ça, c'est très rare dans un championnat de sport mécanique en général, donc il faut le souligner. Bon, bah écoutez, merci beaucoup messieurs. Et puis ça nous permet tout de suite de passer aussi à la question hebdo. Là, Lucas, tu m'as pas bien lancé la transition. Mais avant de passer à la question hebdo de cette semaine, on va revenir sur celle de la semaine passée, puisqu'elle concernait le MotoGP. La question était tout simplement, pensez-vous que Marc Marquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP? Et vous avez été assez unanime, en tout cas bien majoritaire, à voter pour oui. Donc selon vous, à 67%, Marc Marquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP. Je pense que nous, en plateau, c'était 100%... De récit, t'étais pas là d'ailleurs Mathieu quand non, on en a parlé, pas fait partie du tu débat. Avais disparu pendant une minute pour laisser ta place au fantastique belge de la rédaction Luca Bartolomeo et qui avait dit oui évidemment. Mais comme toujours Michael, nuancé comme... parce que c'est une question qui divise beaucoup. Très bien, bah écoutez, cette semaine on ne parlera pas de MotoGP, on va parler du GP Explorer. Et la question de la semaine, ce sera donc autour d'un événement qui a fait beaucoup parler ce week-end, 1,4 million de viewers au maximum sur Twitch devant le GP Explorer, qui était également diffusé sur France Télévisions, une grande première de voir un tel événement sur le service public, deux mondes, la télévision et Internet qui se rencontrent, et puis le sport auto et les créateurs de contenu également. Donc on va se poser cette question avec Mathieu Chambenois, du coup, qui a suivi l'événement de très près, et Lucas également. Toi, t'avais toujours un œil sur Twitch en parallèle de toutes les catégories qu'on a suivies ce week-end. Messieurs, selon vous, le GP Explorer est-il une bonne promo pour le sport automobile? Eh bien écoute, je vais répondre oui. Déjà, je vais répondre à la question, je pense que oui. Il faut savoir que j'étais assez sceptique sur cette troisième édition. Pas sceptique sur le projet, parce que j'avais suivi les 1 et 2 avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de surprises pour le premier, beaucoup de plaisir le deuxième, même si le premier, je l'avais trouvé quand même assez au-dessus sur beaucoup de points de vue, et notamment la course en elle-même. Pour rappel, hein, c'est une course de F4 entre des créateurs de contenu qui ne sont pas du tout professionnels, donc il faut mettre en contexte ce qu'on a vu. Moi, ce GP Explorer 3, je l'ai bien aimé. J'étais sceptique, pourquoi? Parce que avant, en amont de l'événement, ils ont pris la décision de ne pas reconduire les 4 premiers, les 4 créateurs qui avaient terminé aux 4 premières places des GP 1 et 2. Et ils avaient renouvelé un petit peu le line-up, si on peut dire, avec des créateurs qui venaient d'autres univers et qui n'étaient pas forcément très enclins à suivre le sport auto avant. Et pas que des Français en plus, il y avait 5 nationalités représentées. On avait des Américains, des Espagnols, une Canadienne, une Québécoise. Québécoise, oui. Voilà, ça reste Canadienne. On va pas se froisser. Non, une Suissesse aussi avec Bagara. Donc non, c'était... Alors, j'ai trouvé l'événement très sympa à suivre. En dehors des courses d'abord, pour moi, c'était un vrai hommage au sport auto. On a vu des hypercars. On a une hypercar, en l'occurrence l'Alpine A424. Puis en plus, une semaine après sa victoire à Fuji, qui était là-bas notamment. On a vu des prototypes Ligier aussi, qui sont un petit peu avant effectivement la LMP3, pour expliquer un petit peu le contexte aussi. On a eu un abonné qui a gagné un tour avec une moto, justement, avec un pilote de moto, justement, sur la piste. On a eu un petit peu toutes les catégories comme ça qui ont été mises à l'honneur, et je trouve très bien mises à l'honneur. On a eu une Formule 1 aussi, bien sûr, qui a été pilotée par Mathieu Vaxivière. Bref, c'était un bel événement de ce point de vue. Et puis en piste, je vais te laisser un petit peu la parole, Lucas, mais moi j'ai trouvé que c'était pas si mal, dans la mesure où, encore une fois, on rappelle dans le contexte, ils ont seulement quelques heures d'entraînement avec la FFSA Academy. Ils n'ont pas mis beaucoup les pieds dans cette F4 avant de faire la course. C'est aussi un peu le concept, hein, du GP Explorer, c'est de découvrir. Et honnêtement, la course, elle a été crédible. Il n'y a eu que deux abandons à la fin. Et j'ai trouvé que le spectacle était au rendez-vous, même si évidemment c'était un peu chaotique, mais ça, il l'assume. Je voudrais quand même ajouter quelque chose sur ce que tu dis, Mathieu, parce que je trouve quand même qu'il faut, en t'écoutant, on a l'impression qu'ils ont roulé deux heures et puis qu'ils ont pris la piste après. Non, pour ils la se sont entraînés sérieusement. Voilà, je voudrais quand même préciser que les créateurs de contenu, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils s'entraînent. Ils ont été sur différents circuits aux quatre coins de la France. Ils ont quand même pas mal roulé. La FFSA soutient évidemment beaucoup le projet. C'est Pierre Sansinena qui entraîne ces pilotes, qui ont tous un ingénieur de course personnel, etc. Il y a quand même une vraie préparation. C'est moi ce que j'apprécie dans cet événement, c'est qu'on ne vient pas à rouler dans les F4 sans expérience aucune, juste pour faire mumuse, et puis on se rentre dedans et c'est des autotamponneuses et on donne l'impression aux gens que c'est facile. Justement, ils s'investissent quand même. Je me permets, c'est vrai qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance en l'occurrence de pouvoir échanger avec Pierre Sansinena et Etienne Moustache, justement, qui a fait deux fois troisième des GP 1 et 2. Donc si vous êtes curieux d'aller voir effectivement ce qui s'est passé, bah, c'est dans la dernière édition d'AutoHebdo, donc la 2531, si je ne me trompe pas, celle de la semaine passée. Pas. C'est voilà. Magnifique, Mathieu. Une belle promo en effet pour le magazine de la semaine dernière, et puis si vous avez pas vu le reportage de Mathieu vidéo, c'était dans l'émission numéro 3, puisque Mathieu était à la finale de la F4 France, ouais, au Mans, le week-end précédent, puisque c'est assez drôle, mais c'est les mêmes F4 qui ont servi à la finale de la F4 France, qui ont été ensuite stickés avec ses couleurs acidulées pour le GP Explorer, et qui ont servi donc une semaine plus tard aux pilotes en herbe, en tout cas, où il y avait un peu plus de monde que pour la finale de la F4 France. Bon, revenons-en quand même à l'événement et à nos moutons, ouais, parce qu'il y a Lucas qui commence à végéter dans son coin là-bas, qui repense aux exploits de Miguel Oliveira, de Raúl Fernández plutôt. Bon, Lucas, le GP Explorer, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, pour répondre à la question, je me permets d'abord de nuancer une promo pour qui? Je pense que le fan de sport automobile qui regarde absolument toutes les catégories chaque week-end ne va pas se divertir en ayant du grand spectacle sur cette course, mais c'est pas le but. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas du tout initié, bah, je pense que c'est une excellente promo pour le sport automobile parce qu'ils ont assuré au niveau du spectacle. Y a des petits trucs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir dans aucune catégorie. Je pense notamment au Team Radio qui était diffusé sur les enceintes du circuit. C'était une première, ça, d'ailleurs. C'était une première. Ouais, vraiment, les gens sur place comme à la télé qui avaient accès, pas en direct, mais au Team Radio qui était retransmise. C'était super intéressant. Il y avait beaucoup d'animations autour de l'événement qui font que si le GP Explorer c'est le premier événement de sport automobile auquel tu assistes, bah, je pense que tu as envie de retourner au circuit Bugatti pour aller voir d'autres courses, quoi. Moi j'ai une question à vous poser, est-ce que pour vous Red Bull Motormania qui s'est déroulé à Manicourt il y a deux semaines était une bonne promo du sport auto? Je trouve aussi, mais je sais pas si on peut les comparer, quoi, moi je trouve que si, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, en fait, parce que si vous enlevez le côté créateur de contenu, course de F4 entre youtubeurs, streamers, etc., vous avez eu dans les animations quelque chose qui ressemblait vraiment à ce qui s'est fait à Red Bull Motormania. C'est pas faux. Où on avait Sébastien Loeb au volant d'une voiture de rallye, Isaac Hadjar au volant d'une Formule 1, pas mal de choses comme ça, des motos, du drift, des trucs divers et variés qui faisaient la promo de différentes catégories. Bah là, vous avez eu quoi ce week-end? Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit, Mathieu, t'as fait la liste? Une F1, une hypercar, de la moto, des voitures de sport. Globalement, on a eu quand même plein d'animations. Donc moi, je pense qu'au-delà de l'aspect purement influenceur, tout ça, qui, je sais, rebute aussi beaucoup de gens, beaucoup de fans traditionnels du sport auto, ouais, il fallait quand même se concentrer là-dessus. J'aimerais répondre à ça parce que, en fait, il faut bien prendre conscience que si c'était pas eux sur la piste, ça n'aurait pas ramené le public que ça a ramené. Et donc, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que là où pour moi ils ont fait un tour de force, c'est qu'ils ont réussi par leur légitimité, par leur nombre d'abonnés notamment, parce qu'il faut rappeler que c'est des gens qui sont énormément suivis. Squeezie, le créateur de l'événement, l'organisateur, il est suivi par près de 20 millions de personnes sur YouTube. C'est conséquent, il faut bien le notifier ça. Et donc ils ont bien conscience qu'en roulant eux-mêmes dans les F4, eh bien, ça va ramener un public qui va être curieux de les voir eux, et qui va finalement, en étant présent, ou en étant présent sur Twitch en ligne, va s'intéresser justement, découvrir une F1 roulée avec le bruit qui va avec, découvrir une course de F4, se prendre au jeu de la course alors qu'il n'était pas du tout là pour ça à la base. Et donc quelque part c'est un vecteur pour emmener un nouveau public et finalement l'amener à s'intéresser à autre chose. Donc oui, je trouve que c'est une très bonne chose. Ce qui est très juste sur ce que tu dis Mathieu, c'est qu'en effet les gens ne viennent pas pour le sport auto, ils viennent pour les créateurs, et l'argument absolument imparable à ça, c'est toi qui peux nous le donner, parce que tu étais la semaine précédente, on l'a dit, à la finale de la F4 France, où là, donc, même voiture, meilleur pilote, forcément, un vrai enjeu, puisque le titre se jouait notamment entre Jules Roussel, Arthur Dorizon et Alexandre Munoz. Et pourtant, ben, bizarrement, c'était pas diffusé. C'était diffusé, il n'y avait pas de public, c'était à huis clos. À la fin, à un moment, on voit bien que les gens ne viennent pas pour le sport, puisque... Alors, quand il y avait de l'enjeu, ils n'étaient pas là. Et voilà, là quand le fait que c'était à huis clos, c'était une décision. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir du monde, mais néanmoins, il n'y aurait pas eu une affluence de dingue non plus. On n'aurait pas eu 80 000 personnes. C'est sûr. Là où l'une des critiques qui était mise aussi, je me permets de rebondir, mais c'est le fait qu'on nous dit souvent, oui, mais s'ils avaient choisi autre chose que le sport auto, il y aurait eu tout autant de monde. C'est vrai. C'est vrai. Néanmoins, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Je pense que l'analyse n'est pas bonne si on dit ça, parce que, eh bien, en fait, le fait qu'ils aient choisi le sport auto montre qu'ils ont vu du potentiel là-dedans et qu'ils ont. Ce que je voulais dire, c'est ça, et qu'ils ont choisi. On doit se sentir privilégié par rapport à ça. Je veux dire, on peut être si négatif qu'on veut par rapport aux influenceurs. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le plus de visibilité pardon, sur Internet. Et donc, si à un moment on veut que le sport auto s'ouvre à un public plus large, eh bien, il faut les accueillir avec grand plaisir. C'est tout. Oui, puis en plus, même s'il y en a 1% des personnes qui ont regardé qui sont converties au sport auto, ça reste bien. Ça reste toujours une audience supplémentaire. Il ne faut pas rester toujours campé sur ses positions de dire « Oui, mais moi, je regardais la F1 à l'époque de Senna, je regardais la F1 à l'époque de Jim Clark, moi, je connaissais la F1 avant Drive to Survive. » Bravo, certes, c'est très bien, mais il faut aussi accueillir les gens qui arrivent via Netflix, les gens qui arrivent via le film F1, les gens qui arrivent via le GP Explorer. C'est des gens qu'il faut réussir aussi après à conserver. C'est-à-dire que là, on a réussi à les intéresser, et après, il faut que le sport parvienne à les captiver. Bon, c'est pas le Grand Prix de Singapour qui va les captiver non, spécialement. Non, mais justement, il y a des bonnes idées à aller chercher. Peut-être que dans la communication, ils ont mis aussi une leçon dans la manière de gérer, de la mise en scène, parce que ça en parle avant. Faut expliquer aussi qu'il y a des vidéos qui sont tournées, des vlogs hein, en l'occurrence, qui sont publiés sur leur chaîne personnelle, où ils expliquent le contexte, comment ils s'entraînent, comment ils arrivent à accepter le projet. Ils ont fait beaucoup de communication autour, ils ont sorti un album. Bref, c'était assez XXL la manière dont ils ont géré tout ça. Et donc, finalement, c'est pour ça que, pour revenir un petit peu au début, la raison pour laquelle moi je disais que j'étais sceptique au départ, parce que je trouvais que la course passait au second plan. Pour être honnête, avant l'événement, je disais, bon, le 1 c'était sympa, c'était vraiment très sympa. Moi j'ai passé une journée formidable sur place à l'époque où on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Le 2 c'était vraiment sympa aussi. Et le 3, je me suis dit, bon, la course, ils n'en parlent pas trop, quoi. Et au final, ils ont assuré, faut le reconnaître. Puis, il faut dire qu'on a quand même vu des moments qui mettent en valeur bien les valeurs justement du sport auto. Je pense... la casse moteur d'SCA juste avant la course, des mécaniciens qui changent un moteur en 10 minutes, ça a scotché tout le monde parce que personne ne savait que c'est le genre de timing auquel on peut s'attendre en sport auto, parce que tout le monde fait absolument un travail formidable, un travail d'équipe, et je pense que ça, ça met aussi en valeur tout ça. Et donc, je peux me permettre de retourner la question, moi je pense que les gens qui ne sont pas ouverts justement à accueillir ce public, et eh bien c'est eux qui font une mauvaise promo pour le sport automobile. Oh là là, tu vas pas te faire que des amis Lucas, mais malheureusement je pense qu'on est assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ça a été un bel événement, une belle promo. Super événement. Je vais me permettre de pondérer quand même, parce qu'il y a un point que je trouve un petit peu négatif, très rapide, mais effectivement ce point négatif, c'est le fait que sur les 3 éditions, à chaque fois, je trouve que ça a manqué d'un petit mot pour justement la F4, les vrais pilotes qui roulent dans ces voitures-là. J'aurais bien aimé, je sais que par exemple Alex Munoz était présent, qui avait été titré la semaine passée sur place, j'aurais bien aimé qu'ils aient un petit mot pour lui, pour dire bah voilà, on a des vrais pilotes qui effectivement, oui, concourent chaque semaine dans ces voitures-là, la plupart du temps c'est diffusé gratuitement sur YouTube, allez leur donner de la force, allez les suivre. et allez voir justement les vraies catégories, déplacez-vous sur place. Je trouve que ça manquait juste de ce petit mot-là, incitatif, un petit peu plus justement par rapport à la vraie course et aux vrais pilotes. C'est ma seule vraie déception par rapport à cet événement. C'est pas faux, il faut toutefois noter que Squeezie a déclaré qu'il allait, qu'il avait pour projet en tout cas de lancer une ligue dont le vainqueur gagnerait une place en F4 France. Bon, est-ce que ça se fera ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, l'idée est louable, mais en effet, il faut faire la promo de ces gens-là. Merci, messieurs, d'avoir répondu en tout cas à la question. Vous aussi, vous pouvez répondre sur le site autohebdo.fr à partir de 20h. Vous avez l'article, comme chaque semaine, la question hebdo. Vous donnez votre avis. Vous n'hésitez pas également à le donner dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires de l'article, si vous préférez. Et puis, tout de suite, on va embrayer avec une autre catégorie. C'était aussi de la F4, en quelque sorte, puisque c'était de la F1 Academy. Et pour nous parler de F1 Academy, Lucas Bartolomeo a laissé sa place à Louise du Manoir. Salut Louise, ça va ? Bonjour Cyprien, ça va et toi ? Ça va très bien. Alors Louise, c'est toi qui as suivi la F1 Academy ce week-end. Maya Veug et Dorian Pain qui se battent pour le titre. Et c'est Maya Veug qui sort plutôt gagnante de ce week-end et qui revient à 9 points de la française. On sort en effet d'un très beau week-end à Singapour, l'avant-dernier week-end de F1 Academy, où Maya Veug a dominé sur le dernier tour de la deuxième course. Elle était partie de la pole position le dimanche devant Dorian Pain, qui s'était mieux élancé qu'elle et qui avait dominé au premier tour. La Française garde l'avantage tout au long de la course jusqu'à ce que la pluie arrive et perturbe la course. Nicolas Avdra se crash pour la deuxième fois du week-end, déclenchant une deuxième voiture de sécurité. Les deux pilotes de tête, Dorian Pain et Maya Veug, restent sur la piste en pneus slick alors que beaucoup choisissent d'aller chausser des gommes pour la pluie. C'est un choix stratégique pour les deux pilotes qui restent en tête alors que Chloe Chambers, qui elle était quatrième pendant toute la course, finira finalement à la 11e place après avoir chaussé des gommes, des pneumatiques pour la pluie. Donc c'était vraiment pas le pari payant finalement des pneus pluie. C'était pas le pari payant, et le pari payant ça a été donc de rester dehors et surtout de s'élancer correctement à la relance, ce que Maya Veug a fait, et l'a fait mieux que la Française, qui perd l'avantage et qui perd la victoire, surtout en dernier tour de piste. Maya Veug gagne à Singapour, s'offre un week-end de répit, et peut-être une chance de titre à Las Vegas à la prochaine manche fin novembre. Bah, là où elle a été impressionnante, Maya, c'est qu'effectivement sur la première course, elle a remonté assez rapidement en sprint, ce qu'elle a l'habitude de faire cette année, même quand elle part justement en grille inversée de loin. Et Dorian, effectivement, elle, sur la deuxième course, elle s'est mal élancée. Elle a eu un petit peu de malchance, je pense, parce que sur le sec, elle avait une avance assez considérable. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour elle. Et Maya Veug qui montre qu'elle est vraiment véloce et que, justement, pour la fin de saison, si les conditions ne sont pas favorables à Dorian Pain, il va falloir qu'elle muscle son jeu, elle aussi, pour faire une référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Muscle ton jeu, Robert. Oui, donc, comme Louise et Mathieu l'ont dit, en effet, le titre se jouera lors de la dernière manche à Las Vegas. 9 points d'écart entre les deux favorites pour le titre, la protégée de Ferrari d'un côté, Maya Veug, la protégée de Mercedes de l'autre, Dorian Pain. Dorian Pain qui n'avait pas forcément un grand sourire sur le podium après sa deuxième place, comme Louise l'a expliqué, doublé par Maya Veug dans les derniers tours. Mais il y avait aussi une autre Française ce week-end en piste, c'était la wildcard du week-end, c'était Lisa Billard. Lisa Billard, vous en avez peut-être entendu parler si vous ne la connaissiez pas avant la semaine dernière, puisque Mathieu, tu l'avais rencontrée dans le cadre de la finale de la F4 France. Tant qu'on en est à l'autopromo, évidemment, on aura son portrait dans le auto-hebdo de cette semaine. Oui, alors Mathieu adore faire son autopromo, vous l'avez vu. Je continuerai. Continue. Non, mais un jour je vais t'arrêter net, tu vas voir. Mais je vais faire les vôtres aussi, tu vas être ravi, t'inquiète. Ah, là j'adore. J'adore ce que tu racontes. Donc Lisa Billard, en effet, qui avait cette wildcard ce week-end, en attendant peut-être de participer à la saison complète l'an prochain. Ça, on verra dans les prochaines semaines. Quel bilan on peut tirer du week-end de Lisa Billard, Louise ? Alors, elle est arrivée en très grande forme à Singapour. Elle sortait de 3 victoires dans sa catégorie lors de la finale de la F4 au Mans auquel tu as assisté la semaine dernière. Tout à fait. Et elle arrive pour prendre directement la 5e place des qualifications. C'était bluffant. Une prestation bluffante, comme tu le dis, pour une wildcard. C'est un record d'ailleurs pour une wildcard cette saison de se placer aussi haut. Après, le reste du week-end est un peu moins brillant. C'est pas forcément sa faute. En première course, panne moteur et accrochage avec Larsen. Donc la Française abandonne. En deuxième course, elle se laisse dépasser rapidement. Elle est contre des pilotes bien plus expérimentés. C'est qu'une première expérience pour elle en F1 Academy. Et on n'espère pas la dernière parce que c'est une première prestation très encourageante. On pourrait spéculer, alors que Dorian Pain va quitter la F1 Academy de par les réglementations, que Lisa puisse prendre sa place l'an prochain, potentiellement également chez Prima et chez Mercedes. On peut voir des points communs, outre leur nationalité. Les deux sont très véloces, petites, savent se placer là où il faut, quand il faut. Donc j'espère personnellement la voir en F1 Academy dès l'an prochain. Ouais, l'avenir du sport auto, en monoplace en tout cas, féminin, français, est assuré. Ça fait beaucoup de critères. Mais en tout cas, voilà, bravo, bravo à Lisa Billard. 16 ans seulement, on le rappelle. Donc très très impressionnante ce week-end. Mathieu, un petit mot rapide? Bah écoute, un manque d'expérience. Vraiment un manque d'expérience, on le sent. Voilà, t'es négatif tout de suite. Elle a voulu ramener la voiture au garage, on l'a senti. Mais un manque d'expérience, c'est positif. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a toutes les armes en main. Et que voilà, si effectivement... elle vient titulariser l'année prochaine, je suis sûr qu'elle convertira ses bonnes qualifications. Elle a encore une fois pu rouler dans ses monoplaces, donc je pense que ça va aller très vite pour elle, comme sur la piste bien sûr. Et ben en tout cas, on lui souhaite. Et puis également un petit mot très rapide sur la victoire de Lia Block lors de la première course du week-end. Lia Block qui avait déjà terminé deuxième de la course 1 lors de la dernière manche de F1 Academy. C'est sa première victoire dans la catégorie. Pour rappel, c'est la fille du regretté Ken Block, donc bravo à elle. Bravo à Lia qui venait de commencer la monoplace en 2024. Donc une belle promesse pour la pilote qui devra quitter la catégorie à la fin de l'année. Une promotion potentiellement pour son avenir dans d'autres monoplaces. Comme tu le disais, un podium suivi d'une victoire, c'est une belle remontée pour Lia Block qui n'a pas toujours eu des moments faciles en F1 Academy. Merci beaucoup Louise en tout cas d'être venue nous partager ce bilan du week-end de F1 Academy. On va te laisser déjà malheureusement, mais bravo pour ta première dans l'émission. Puis, merci Cyprien, merci Mathieu, à bientôt j'espère. Tu reviendras très vite et évidemment nous parler de F1 Academy et de plein d'autres choses. Et puis on va retrouver malheureusement le Belge de la rédaction, Lucas Bartolomeo. C'est pas de gaieté de cœur que je vous annonce ça, mais il sera à nos côtés pour vous présenter tous les résultats du week-end. Les résultats du week-end, donc la Formule 1, le MotoGP, la F1 Academy, on vous en a déjà parlé, mais il n'y avait pas que ça ce week-end, il y avait notamment le DTM, une finale complètement folle au Hockenheimring, 9 pilotes qui sont arrivés à Hockenheim en lice pour le titre, avec Lucas Auer qui était leader du championnat, mais c'est un Turc qui a gagné, c'est Ayankan Güven qui a remporté son premier titre, premier Turc également champion de DTM, après une victoire en course 2 avec un dépassement vraiment sublime dans le dernier tour pour s'assurer la victoire et le titre sur Marco Wittmann. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'était absolument fabuleux. Et puis à Hockenheim, il y avait également la Freca ce week-end, la Formule Régionale Alpine, avec toujours un duel pour le titre entre Freddy Slater et Matteo De Palo. C'est le Britannique qui a pris l'avantage en gagnant la course 1 et qui a repris au total sur l'ensemble du week-end 4 points d'avance à son futur coéquipier, puisque les deux seront chez Trident en Formule 3 l'an prochain. Côté français, très bon week-end aussi, évidemment, d'Enzo Delini, le troisième du championnat qui a remporté la course 2, et d'Evan Gilter, le pilote Hart Grand Prix, qui termine troisième de cette même course 2, cocorico pour nos Français à Hockenheim. Et en FFSA GT, il y avait un duel pour le titre également, cette fois c'était entre deux équipages, d'un côté les Russes et de l'autre des Français. Alors les Russes, c'était Stanislas Safronov et Alexandre Ventrub, et les Français, Olivier Jouffret et Eric Trémoulet, qui ont remporté la course 1, mais leurs rivaux ont gagné la course 2, et c'est eux qui sont champions, c'est les premiers Russes champions de FFSAGT, félicitations à eux. En PCCF, on salue Marcus Amant qui est sacré champion, ils étaient 4 en lutte pour le titre avant la course 2 de dimanche, donc c'était également très haletant comme en DTM, mais Marvin Klein a gagné la course 1, mais il ne sera pas champion, ni Mathis Jaubert, ni Paul Coopé, c'est donc le franco-finlandais Marcus Amant qui est sacré et qui succède à Guiretti sacré l'an passé. Et en rallye, c'était l'ERC ce week-end avec la victoire de John Armstrong, sa deuxième victoire de suite cette saison, mais le titre du coup revient officiellement au Polonais Mikołaj Marcik, désolé pour la prononciation. Et puis pour finir, il y avait également la NASCAR ce week-end avec la victoire de Shane Van Gisbergen devant Kyle Larson et Christopher Bell. Et voilà messieurs pour ce week-end très animé, donc évidemment beaucoup de catégories, ça fait forcément beaucoup de top et beaucoup de flop, c'est l'heure des top flop. Et pour les tops, on va commencer par toi, Lucas, parce que je crois qu'en top, t'as mis un autre Lucas. C'est ça, Luca Marini. C'est mon top du week-end, parce que Luca Marini, il a fait un super week-end en MotoGP. Il termine premier de la première séance d'essai libre. Et puis, il qualifie sa Honda aux avant-postes et il se bat pour le podium pendant près de la moitié de la course. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis qu'il évoluait chez VR46 à l'époque, hein, sur une Ducati. Et donc Luca Marini qui confirme les progrès de Honda au cours d'un week-end globalement compliqué pour la marque. Et je pense que c'était très important pour le constructeur japonais d'avoir cette confirmation après le podium de Joan Mir. Donc voilà, Luca Marini qui a fait un excellent travail. Et ton autre top? Mon autre top, il est un petit peu plus surprenant peut-être, c'est Lewis Hamilton. Parce que je trouve que Lewis Hamilton, il a fait un super Grand Prix de Singapour. Il a, comme je le disais plus tôt, maximisé le potentiel de Ferrari tout au long du week-end. Et puis, s'il n'avait pas eu ce problème de frein, il aurait probablement terminé devant Kimi Antonelli en 5e position. Et la raison pour laquelle je l'ai mis en top aussi, c'est parce qu'il est allé chercher des points malgré justement ses problèmes de frein. Et si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir les deux derniers tours de Lewis Hamilton. C'est vraiment très impressionnant la manière dont il se bat avec sa Ferrari dans les virages du circuit de Singapour. Je vous rappelle que les murs sont très proches, donc il prend une pénalité, il respecte pas le règlement, mais il prend quand même 4 points, donc au final bravo Lewis Hamilton. Ouais, et puis il perd 45 secondes en deux tours sur Fernando Alonso. Ouais. Fernando Alonso a beau être rapide, c'était quand même un peu beaucoup. Bon, Mathieu, à ton tour, t'es top. Eh bien écoute, moi justement je vais rebondir parce qu'il y a Kimi Antonelli dans mes tops. Kimi Antonelli qui a fait une bonne course, qui termine encore 5e, qui avait terminé 4e à Bakou. Je tiens quand même à souligner son super dépassement sur Charles Leclerc pendant la course qui a été assez impressionnant. Je trouve qu'il gagne en confiance, il profite d'une Mercedes évidemment de plus en plus véloce, mais eh bien là encore il arrive à vraiment maximiser, c'est vraiment le terme décidément de cette émission. Mais très beau, très belle course de Kimi Antonelli qui prend en confiance, je trouve. Mes deux autres tops, parce qu'effectivement il y en a trois cette semaine, c'est Maya Hug, évidemment, F1 Academy, on en a parlé tout à l'heure, mais elle revient à 9 points de Dorian Pain avant la finale de F1 Academy. Et puis Enzo Delini, t'en as parlé tout à l'heure rapidement, en Freca, qui a gagné la course 2. Moi, ce que je tiens à souligner de la part d'Enzo Delini en premier lieu, c'est qu'il reste sur 5 pole positions consécutives dans la catégorie, sachant qu'il y a des gros clients, comme Slater et De Palo notamment. On voit qu'il arrive vraiment à être dans le match, et il arrive, là encore, avant la finale de la saison à Monza, à être à 30 points du leader, donc rien n'est encore joué en Freca. Rien n'est joué en effet. À mon tour de donner mes tops. Alors le premier, rapidement, parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso qui termine 7e de ce Grand Prix de Singapour et qui a été très bon tout au long du week-end. Et puis il est aussi dans les tops parce qu'il nous a franchement régalé à la radio. On a retrouvé le Fernando Alonso de l'époque GP2 Engine et compagnie, et qui dirait un trophée pour le héros de la course en parlant d'Isaac Hadjar. Voilà, qui dit à son ingénieur d'arrêter de lui parler tous les tours, sinon il va couper la radio. J'adore Fernando Alonso. On reste chez les hispaniques, puisque j'ai un deuxième top qui est plus surprenant, c'est Franco Colapinto. Voilà. Ah oui. Alors c'est complètement... Ah bah Lewis Hamilton, c'est plus crédible. Directement. Non mais là, au point où on en est, en fait, il dit Lewis Hamilton, je me suis dit, bon allez, je vais mettre son 4 chantra, il a fini 10 secondes, enfin il tournait 10 secondes plus vite que Pecco Bagnaia à un moment. Oui, quand même. Non, Franco Colapinto, je le mets en top parce que j'ai été très dur avec lui cette année, que ce soit dans mes articles ou dans les discussions de comptoir qu'on peut avoir entre nous, messieurs, à la pause déjeuner. Je trouve qu'il fait des bons grands prix. Il a une Alpine qui est absolument ignoble, donc il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas aller marquer des points. Il n'en marquera certainement pas cette saison, c'est dommage. Mais ça fait 3 grands prix de suite qu'il bat Pierre Gasly en qualification. Il l'a encore battu en course, 2e fois de suite également après Baku. Donc bravo Franco Colapinto pour le regain de performance. Et puis... il se dirige peut-être vers une prolongation pour 2026 en enchaînant les résultats comme ça. Et puis, mon dernier top, c'est Ayan Chan ou Ayan Khan Guven, donc le champion de DTM de cette année, champion également de PCCF en 2018. Je tiens à remercier notre collègue Fabien Gérard qui m'a soufflé l'information tout à l'heure, qui est d'ailleurs juste là. Voilà, on l'embrasse, Fabien Gérard. Salut Fabien. Voilà. Donc merci Fabien. Et puis globalement, non, c'est surtout un top pour cette saison de DTM. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on avait 9 pilotes en lice pour le titre. Lucas Auer qui arrive en leader, Thomas Preining qui s'est repositionné après sa victoire en course 1 qui était finalement le favori pour le titre avant la course 2. On avait l'expérimenté Marco Wittmann, on avait René Rast qui est déjà triple champion de DTM, qui en plus terminait sa carrière en DTM ce week-end, donc il visait un 4e titre. On avait bien sûr notre français Jules Gounon, on avait Jack Aitken, ancien junior de Williams, qui a disputé un Grand Prix en 2020. Donc voilà, on avait un très beau plateau, très resserré, plusieurs nationalités, plusieurs marques, c'était absolument génial. Bravo le DTM et merci beaucoup. Voilà, et puis maintenant, messieurs, après toutes ces belles paroles, maintenant qu'on a été dithyrambique, on va commencer à taper attaquer un peu, mettre des petites claques derrière la nuque de certains pilotes ce week-end. C'est l'heure des flops. Allez, on commence par toi, Lucas, t'es le premier à t'y jeter. Je sais que c'est dur, je sais que je vais pas me faire des amis, mais moi, mon flop du week-end, c'est vraiment Marc Marquez. Une semaine après son titre mondial, on a vraiment vu le champion du monde 2025 craquer un petit peu mentalement. On sait que c'est pas facile, il a eu qu'une soirée pour... profiter de son titre avant de rejoindre l'Indonésie pour disputer le Grand Prix suivant. On sait que le calendrier MotoGP est très chargé, hein, d'autant avec le nouveau format en vigueur depuis 2023 où il y a sprint et course dans le même week-end. Mais c'est Johann Zarco qui le rappelait dans son débrief d'après-course. Quand tu montes sur une MotoGP, tu dois tout le temps être à 100% de tes capacités. Et on a vu Marc Marquez un petit peu en retrait à ce niveau-là ce week-end, que ce soit lors des essais ou lors des qualifications. Je sais bien évidemment que la chute qu'il a subie le dimanche n'est pas de sa faute, mais globalement, c'est déjà pas un week-end très brillant pour Marc Marquez, donc je le mets en flop. Heureusement qu'il a gagné le titre le week-end d'avant, parce que là, imaginons qu'il tombe et qu'il se blesse plus gravement qu'une fracture de la clavicule et qu'il puisse pas disputer les 4 derniers week-ends, là, son titre, il peut lui passer sous le nez, donc... Donc heureusement qu'il avait sécurisé après, ça. Il faudrait encore que Alex Marquez gagne toutes les courses de la saison, ce dont je doute vu sa forme actuelle. C'est ça, maintenant c'est plutôt Fermín Aldeguer qui serait une menace. Mais bon, il est tellement loin. Champion du monde. Oh mon dieu, de Moto 2. Allez à toi Mathieu, tes flops du week-end. Mais écoute, je vais être dur aussi parce que j'ai mis Oscar Piastri. Oscar Piastri qui, je trouve, plus sur le plan mental, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais n'a pas la bonne attitude. Voilà. On attend encore une fois sa réaction. Évidemment, McLaren n'est pas tendre avec lui, en tout cas ne gère pas bien la situation, mais Oscar Piastri pour moi doit avoir une attitude de champion en puissance et je ne l'ai pas vu de la sorte ce week-end. Le deuxième flop, il est très rapide et il est plus bonus qu'autre chose, mais c'est la réalisation du Grand Prix de Singapour, je trouve, messieurs, même s'il ne s'est pas passé grand-chose, qu'on n'a rien vu. On n'a pas vu les dépassements, Kimi Antonelli qui dépasse Charles Leclerc, on ne l'a pas vu en direct. Ah si, si, on l'a vu 10 tours après. Oui, voilà. Les problèmes de Lewis Hamilton dont tu nous parles, bah, on ne les a jamais vus si on n'a pas été curieux et qu'on les a regardés sur Internet après. Je trouve que vraiment, on n'a rien vu de ce Grand Prix. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, bah, on a vu une procession de voitures alors que ce n'était pas le cas à tous les étages. Ah, moi, je me suis rendu compte sur la ligne d'Arrhemer, regarde dans le classement, qu'Isaac Hadjar venait de perdre la 10e place. Par exemple. Profite Carlos Sainz. Par exemple. Là, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, d'accord. Bah moi, Mathieu, je vais aller plus loin. Je ne vais pas aller sur la réal du Grand Prix de Singapour, je vais aller sur le Grand Prix de Singapour ouais. Lui-même. Et bah, allons-y. Que j'ai trouvé absolument soporifique. Voilà, bon, c'est très dommage. Ça fait quelques saisons que c'est moins bien Singapour. Ça devient un peu Monaco bis, donc un peu déçu. Et puis mon deuxième flop, c'est Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi qui. Logique. Voilà, logique. Merci Lucas de ton approbation. Je suis content parce que. Ça peut paraître dur vu qu'il a signé la pole et gagné le sprint en faisant une des plus belles remontées depuis le début de la saison, mais il avait un boulevard pour gagner le Grand Prix, il ne l'a pas fait, il a chuté au bout de 6 virages en dégommant Marc Marquez, donc très très déçu parce que franchement quand on part premier avec autant d'outsiders habituels à ses côtés, on peut vraiment croire à la victoire, surtout vu le rythme qu'il avait montré le samedi. Dommage pour Marco Bezzecchi, il a encore 4 manches pour gagner un deuxième Grand Prix cette saison. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, en effet. Bon, en tout cas, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, messieurs. On va, avant de se quitter, vous donner le programme de la semaine prochaine, puisqu'il y aura notamment de l'IMSA à suivre avec Petit Le Mans du côté de Road Atlanta. Et puis ensuite, il y aura également du GT, c'est le GT World Challenge Endurance à Barcelone, puis l'Ultimate Cup Series à suivre du côté de Magny-Cours, le Rallye Cross France également qui sera à Dreux. La NASCAR, comme régulièrement, et puis pour les puristes et les amateurs, les 1000 km de Bathurst que vous pourrez suivre sur YouTube. Il faut être abonné par contre, et puis si vous ne pouvez pas les suivre, et ben vous aurez dans tous les cas le résumé dans le magazine de la semaine suivante, et puis lundi prochain dans l'émission, ce sera encore nous, messieurs, on aura également le retour de Valentin Glo qui revient du Japon, et Michael, lui, sera au Maroc pour le début du rallye du Maroc, où il sera accompagné de Mehdi Cazorin-Vergès pour vous faire vivre ça sur nos réseaux sociaux. Réseaux sociaux d'ailleurs où vous pourrez suivre dans les jours qui viennent le Tour de Corse historique, où vous avez pu suivre l'Alpine Elf Cup Series le week-end dernier avec Pierre Barret du côté du Castellet. On espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment et qu'on peut vous faire découvrir des catégories qui sont des fois peu médiatisées. Merci beaucoup, messieurs. Eh ben, merci à toi. Merci à toi, Cyprien. Et content d'apprendre que Michael travaille, finalement. Je pensais qu'il était en vacances, moi. Oui, mais alors, tu sais, Michael ne travaille jamais vraiment. Hein. Michael, quand il est en Corse, je pense qu'il se dort la pilule. Il prend le soleil. Mais c'est bien, il avait mauvaise mine sur les dernières vidéos, donc c'est pas plus mal. Là, il va prendre un peu le soleil. Voilà. Non, mais vous inquiétez pas. Michael est en effet payé à ne rien faire. Dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, si Michael vous manque. Je ne pense pas. On pourrait peut-être faire une question hebdo là-dessus. Mais oui, est-ce que c'est pas mieux sans Michael finalement? Voilà, très bonne question hebdo, très bon sujet. Vous pouvez également nous en parler dans les commentaires. Est-ce qu'on est mieux sans Michael? Allez, je vais sauver l'honneur, je vais le saluer quand même. Michael. Oui, tu le salues, mais tu dis quand même que c'est mieux sans lui. Voilà. Je ne répondrai pas, ne se prononce pas. Il le dira en off. Tu n'as pas le choix. En tant que présentateur, je deviens dictateur. Donc non, Mathieu, tu n'as pas le choix. C'est unanime sur le plateau. Michael, merci de rester chez toi au Mans la prochaine fois. Bon, allez, pour terminer sur une note plus sérieuse, on vous rappelle évidemment que vous avez le magazine disponible en version numérique à partir de 20h ce soir et puis en kiosque dès mercredi. Puis si vous êtes intéressé, vous avez notre dernier collector sur Ferrari qui est toujours également disponible à la vente. Vous avez aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de McLaren qui a remporté son 10e titre, également le collector McLaren, juste là-bas derrière Lucas, sorti en 2024 sur les 60 ans d'histoire de l'écurie britannique. C'est pas mal de se replonger dedans. Ce que j'ai fait après leur titre, et je vous assure qu'il est vraiment très très bien, je vous le conseille. les anciens collecteurs, comme tous ceux que vous pouvez voir, sont disponibles sur autohebdo.aboshop.fr. Bon bah voilà, ça y est, cette fois c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé, merci d'aimer le sport auto et du coup de nous en faire vivre. Et on vous dit à la semaine prochaine. À lundi prochain, ciao ciao. Salut, ciao.